Chapitre 19e. Surveiller le pot de crème. Justement, Marion n'allait pas tarder à les fêter. Oh, Marion était différente. Elle était, je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui, elle était brillante. Je ne lui ai jamais caché qu'un jour elle aurait beaucoup d'argent. De toute façon, je ne le peux jamais bien longtemps. Alors autant dire les choses, même si souvent les conséquences sont désastreuses. Avec Marion, cependant, tout s'est passé très simplement. Elle était beaucoup plus solide que la moyenne. De plus, je crois qu'au fond d'elle, tout cet argent soudain disponible la terrifiait un peu. Elle avait peur de faire des erreurs. Puis elle n'appréciait guère ses rendez-vous obligés avec Jean-Jacques Mousseron. Elle m'a dit un jour qu'elle se sentait comme assommée de chiffres. Naturellement, tout le monde était toujours très gentil avec elle. Mais la présentation des résultats de CM Process était toujours d'ennuyeuses journées, où elle avait le sentiment de perdre son temps. Elle se sentait dépassée, malgré les efforts faits pour tenter de simplifier les choses au maximum. Elle n'arrivait pas à quantifier ce qu'elle possédait vraiment. Et il faut bien reconnaître que par son attitude distante, Jean-Jacques Mousseron ne faisait rien pour la mettre à l'aise. Il lui parlait le moins possible. Pensez-vous qu'il le faisait exprès? Non, je ne crois pas. L'homme est comme cela, très conscient de sa supériorité. Pardonnez-moi d'évoquer cette question, mais avec les 18 ans de Marion, vous perdiez la gestion de ses intérêts. Maître Vérel eut alors un sourire plein d'amertume. « Eh bien, justement pas. Là, je ne vous suis pas bien. Sachez que vous n'êtes pas le seul. J'en étais le premier surpris. Marion a désiré, comme c'était son droit le plus absolu, que je gère ses affaires pour 3 années supplémentaires, car, comme elle me l'a dit, elle n'avait pas assez de visibilité. Naturellement, j'ai argué du fait que, vu l'ancienneté de notre relation, il serait peut-être bon qu'elle poursuive avec un confrère. » Mais elle n'a rien voulu entendre. Elle a alors eu un pauvre sourire. « Je n'ai confiance qu'en vous. » J'ai alors pris mon temps pour préparer les papiers, lui laissant 2 bons mois pour réfléchir. Elle s'est présentée 1 semaine après. Tout était signé. Elle demandait juste un peu de rallonge sur son allocation mensuelle, 250 euros. Croyez bien que j'étais très touché par son geste, parce qu'il dénotait une maturité peu commune. Quand cela s'est-il produit ? Marion venait juste d'avoir ses 17 ans et demi. Nous avions l'habitude de nous voir environ tous les 3 mois. Nous faisions le point, mais généralement c'était assez rapide. Elle gérait très bien son budget et les dépassements étaient rares. Maître Vérel sembla soudain se perdre dans ses pensées. Son regard était rempli de tristesse. Dutilleul s'en voulut de briser l'instant, mais il se devait de poursuivre. Sauf la télé. Ah, je vois que vous êtes au courant, répondit maître Vérel, comme s'il reprenait soudain contact avec la réalité. J'avoue que je n'ai pas du tout approuvé cet achat. Il ne cadrait pas avec la personnalité de Marion. Celle-ci n'a jamais exigé le dernier cri en matière de technologie. D'ailleurs, elle avait déjà une télé qui n'avait pas 2 ans. Je savais qu'elle la regardait très peu, car elle ne voulait pas prendre d'abonnement à des chaînes payantes. Elle préférait, de loin, aller au cinéma. Étant moi-même un grand amateur de 7e art, nous avions de grandes conversations à ce sujet. Nous avions échangé nos points de vue. Du coup, quand la facture de la télé est arrivée, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai tout de suite compris que quelque chose clochait. Dès lors, je me suis attaché à découvrir le fin mot de l'histoire. Quand j'ai su de quoi il retournait, j'avoue sans honte que je me suis fâché, comme tout bon père de famille l'aurait fait. C'était l'argent de Marion, pas celui de M. Boucharif. Je ne voulais pas que celui-ci la manipule. Elle ne le méritait pas. Vous ne voyez pas cette relation d'un bon œil? Avec le pédigré du monsieur, c'était impossible. Pour moi, c'était introduire le loup dans la bergerie. Pourtant, malgré un casier chargé, nous n'avons jamais à lui reprocher le moindre fait de violence. La tentative de manipulation demeurait. J'ai vu cela comme une dérive, un premier coup de canif au contrat. Si j'ai si mal pris la chose, c'est qu'en plus la relation était toute neuve, 6 voire 8 mois. Je ne voulais pas voir Marion céder si tôt aux caprices de ce voleur de gouttière. Car qui sait où tout cela nous aurait mené? Pourtant, vous ne connaissiez pas Malik Boucharif. Maître Vérel se redressa alors de toute sa hauteur. Son regard était devenu très dur. C'est là où vous vous trompez, monsieur le commissaire. Je me devais de le rencontrer. Naturellement, et c'est peut-être la chose dont je suis le moins fier, cela s'est fait à l'insu de Marion. Mais je me devais de prendre quelques garanties. Loin de moi l'idée de vous le reprocher. Au contraire, je serais assez curieux de connaître votre sentiment sur le sieur Boucharif. Mon sentiment, avez-vous dit, eh bien le voici. Assez beau garçon, d'une taille peu ordinaire, plutôt musclé, sourire enjôleur, regard clair, très soigné de sa personne, vêtements de marque, certainement tombé du camion. Très intelligent, ayant parfaitement compris ce que pouvait représenter Marion s'il manœuvrait habilement. Il avait beau clamer haut et fort qu'il ne cherchait pas à abuser de la situation, il m'était bien difficile de le croire. Il manquait trop de conviction, et son casier seul démentait ses propos. Il était impossible qu'il ne soit pas sensible à la future situation de Marion. Il s'agissait tout de même pour lui de s'extraire une bonne fois pour toutes de sa condition médiocre. Marion représentait un sacré coup d'ascenseur social, si vous voyez ce que je veux dire. Dutilleul hocha la tête en signe d'approbation. Pensez-vous qu'il l'aimait? Sans doute, mais je vous l'ai dit, je préférais ne pas trop m'interroger sur ses motivations. Vous ne l'avez donc pas cru quand il vous a dit que son amour était parfaitement désintéressé? Pas un instant. Pour moi, tout cela était de la poudre aux yeux. Peut-être cherchait-il à s'illusionner lui-même. Ce sont des choses qui arrivent. Il cherchait à être le plus sincère possible, mais il ne pouvait pas l'être complètement. C'est sans doute cela qu'il ne parvenait pas à s'avouer. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai, monsieur le commissaire, que pour ce genre de garçon qui a franchi la ligne rouge tant de fois, et en toute connaissance de cause, l'examen de conscience est quasiment impossible. Ils ne se mentent pas vraiment. Ils font juste de petits arrangements avec eux-mêmes, afin de mieux endormir leur conscience. Ils sont prompts à se trouver des excuses, des circonstances atténuantes. C'est toujours à cause d'eux qu'ils ont mal agi. Malik Boucharif n'est certainement pas un mauvais garçon, mais de là à lui donner un pot de crème à surveiller, qu'attendiez-vous de lui? Rien, car je savais qu'il n'y avait rien à en attendre. Les événements ne m'ont pas démenti. Dutilleul trouva le moment opportun pour revenir sur l'affaire de la télé. Pardonnez-moi d'insister, mais pourquoi attachez-vous tant d'importance à cet achat de télé, pourtant des plus anodins? Vous ne pouvez pas comprendre. Que Marion se mette dans le rouge, la chose n'avait en soi que peu d'importance. Mais cela m'a fait l'effet d'un mauvais signal. Sans doute me prendrez-vous pour un fou. Mais au fond de moi, je suis sûr que cette maudite télé a un rapport plus ou moins éloigné avec la mort de Marion. Si une explication existe, il faut la chercher du côté Malik Boucharif. Sauf que le dit Malik Boucharif était en prison au moment du meurtre de Marion Chardy. C'est ce que votre collègue n'a cessé de me seriner. Et il n'aura même pas été capable de la défendre, ajouta Maître Vérel avec écœurement. Malik Boucharif a préféré prendre l'air sur un scooter volé. Au fait, comment avez-vous appris son arrestation? Par Marion, bien sûr. Elle m'a téléphoné. Elle était en larmes. Elle voulait que j'intervienne, que je paye un avocat à Malik Boucharif. C'était impensable, évidemment. J'avoue que j'ai eu bien du mal à la raisonner. J'ai senti chez elle un vrai chagrin et j'ai remis la morale à plus tard. La situation était déjà suffisamment pénible pour elle. Elle savait parfaitement qu'elle ne devait pas le revoir, qu'il l'avait trahi. Je crois qu'elle le voyait enfin sous son vrai jour et elle était effrayée. Elle se sentait si coupable, si idiote. Elle a même fini par reconnaître que j'avais eu raison de l'alerter sur la télé. Je crois que c'était la première vraie claque de son existence, la seule. Une fois de plus, Maître Vérel avait le regard perdu. En dépit de tous ses efforts, cet entretien lui était vraiment pénible. Elle vous manque toujours autant à ce jour, n'est-ce pas? Oui, admit sans peine Maître Vérel, terriblement. Je n'ai pas honte de le dire. Il y avait quelque chose de si raisonné chez Marion, quelque chose de si lucide, si adulte. Elle ne se fâchait jamais pour rien, et quand bien même le dialogue n'était jamais rompu. Bien sûr, comme tous les adolescents, elle pouvait se montrer têtue, et avait parfois un peu de mal à reconnaître ses erreurs, mais elle n'était jamais vindicative ni rancunière. Ce jour-là, nous nous sommes quittés en bons termes, comme toujours. J'étais parvenu à la calmer, à lui faire comprendre que M. Malik Boucharif devait assumer seul ses responsabilités. Je me rappelle encore exactement ce qu'elle m'a dit en partant. Croyez bien, Maître Vérel, que j'ai bien compris la leçon. Je vais m'appliquer à vous trouver quelqu'un qui vous plaira. Elle est partie, sa confiance à l'avenir un peu rétablie. Jamais je n'aurais pu imaginer que c'était la dernière fois que je lui parlais. Moins d'un mois plus tard, hélas. Justement, comment a réagi Jean-Jacques Mousseron à l'annonce de la mort de Marion Chardy ?